Proverbe chapitre 7. Mon fils, garde mes paroles, et mets en réserve par-devers toi mes commandements. Garde mes commandements, et tu vivras, et garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle la prudence, ta parente. Afin qu'elle te garde de la femme étrangère, et de la foraine, qui se sert de paroles flatteuses. Comme je regardais à la fenêtre de ma maison par mes treillis, je vis entre les sceaux, et je considérais entre les jeunes gens, un jeune homme dépourvu de sens, qui passait par une rue, près du coin d'une certaine femme, et qui tenait le chemin de sa maison. Sur le soir à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure, et voici, une femme vint au devant de lui, parée en femme de mauvaise vie, et pleine de ruse, bruyante et débauchée, et dont les pieds ne demeurent point dans sa maison, étant tantôt dehors, et tantôt dans les rues, et se tenant aux aguets à chaque coin de rue. Elle le prit, et le baisa, et avec un visage effronté, lui dit, « J'ai chez moi des sacrifices de prospérité, j'ai aujourd'hui payé mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi, pour te chercher soigneusement, et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit d'un tour de réseau, entrecoupé de fils d'Égypte. Je l'ai parfumé de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous de plaisir jusqu'au matin, réjouissons-nous en amour. Car mon mari n'est point en sa maison, il s'en est allé en voyage bien loin. Il a pris avec soi un sac d'argent, il retournera en sa maison au jour assigné. Elle l'a fait détourner par beaucoup de douces paroles, et l'a attiré par la flatterie de ses lèvres. Il s'en est aussitôt allé après elle, comme le bœuf s'en va à la boucherie, et comme le fou, au cep pour être châtié, jusqu'à ce que la flèche lui ait transpercé le foie, comme l'oiseau qui se hâte vers le filet, ne sachant point qu'on l'a tendu contre sa vie. Maintenant donc, enfant, écoutez-moi, et soyez attentif à mes discours. Que ton cœur ne se détourne point vers les voies de cette femme, et qu'elle ne te fasse point égarer dans ses sentiers. Car elle a fait tomber plusieurs blessés à mort, et tous ceux qu'elle a tués étaient forts. Sa maison sont les voies du sépulcre, qui descendent au cabinet de la mort.